Je veux être le meilleur de tous les auditeurs. Sans hésitation, j'écouterai toutes tes fictions. Adobe Exorcis, Mimesis, Sacrifice, Cromopolis, Café et Lambas, Inaf, Samantha et la Périclata, Rémi sans amis, Eva Derby, Big City, bienvenue à Val-Nuit, Ventouse, Nébuleuse, la légende de l'Encoupe et tous les Pépinsous. Écoutez-les tous les fixons. Saga des monos, j'irai sur Netto, je suis déterminé à tous les écouter. Hello Musical, Force Mental, Nerf me parle, la tour de balle, son opéra rock, Télo, Sanatoscope, partage de corps, Milan Beaches, Briggs, son fait d'acide, enfer liquide, le cycle d'Ambac, Milana, Trimoria, Jensio Reva. Écoutez-les tous les fixons. La serveur du comptoir, sous terre, le destructeur, les profondeurs, Amazing Fructal, The Blend Zone, Professeur Letton, Nacobot, Final Fantasy, Chez le Psy, Jani, Opération Cookie, Matrix la Matrix, Oxymus, Call of Torture, l'ordre du slip perdu. Écoutez-les tous. Écoutez donc toutes ces bonnes fixons. Network Evil 6, Erebis, Stick Trauma Fantasy X, Pamela Target, Eden, Sky Aizen, 1985, Living Yourself, Kingdom Path, Afterlack, le Maître des Rêves, Shrop Man Show, le Survivor, 5 la succession de monceaux. Y'en a plus de 1088 que tu peux écouter. Devenir un fan de fiction, c'est ma destinée. Les aventuriers, Duke Nicky, Altéré, le Chevalier Bourré, la Chronicle, que du coup, le Portail, les Contes de Fitzgerald, Thomas Motin, Ornin, Behind, 251, Access à Gag, The Soma, Voix, Cyrano de Bergerac. Wouh! C'est déjà la moitié! Ouais, je sais, il en manque plein. J'ai pas pu tout mettre. Puis les noms sont trop longs, ça rentrait pas. Mais il y a Chronique d'Insectopia, Star Wars, Agartha, Chippewa, Fabulation, Endémion, Ataton, la Troisième Légion, Chute de Lapinville, Lille, Racine, Nigrine. Pour les nuls, CDMM, Life Immigration Temporelle. Écoutez-les tous! 44 Discours, Chevy Lenko, les Chroniques de Vivroche, Skyrock, les Chroniques Galactiques, dit ça existe. Les Fixons, Secret de la Soie, Lumière Noire, Clé de Vanille, Cœur de Métal, Thème de Go, Poséidon, Pong, le Docteur Bonobo Show. Y'en a plus de 1088 que tu peux écouter. Devenir un fan de Fixon, c'est ma destinée. 163, Hôtel Gorgias, cette étoile, bien madame, Choc des Zéros, ICO, James Rico, Agent Zéro, Kamlan, la légende de Xanthal, les magiciens de Neo-Zia, Cacao qui tue, Führer, Zap, le donjon de la Halbuck. Wow, attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Non, je fais semblant, c'est un montage audio, j'ai pas fait ça d'une traite. On y va. Les pompiers temporelles, DS Pen, Lali, la Middle Crossing, Noix de main, l'écoutant, battement, le fait du prince, Retour, Journal de bord, Forêt Cache, Artouré, écrit. Parmi eux, XLE, la descente, encore un défaut. Écoutez-les tous. Écoutez donc toutes ces bonnes fictions. La traversée de Feria, Alien de 1347, Libère le Hamster, The Sinker, Game Bird et d'Univers, Aden de 1082, le mur de l'Imaginarium, la saga du Netophonix, et y en a encore plein. Écoutez-les tous les fixons.